Citadin, relève la tête, tu risques rien. Au pire tu marches par mégarde dans une merde de chien. La meilleure des cas t'interpelle, une gadget d'un sourire en coin. De ce t'as jamais le temps, quand même de te sentir bien. Respire les gaz d'échappement, elle est pas belle ta vilain. Et si les femmes ici se font chiennes, c'est qu'on est tous un peu chiens. Pressé, pressurisé, pour un rien. Pour des histoires de zoulettes ou des perspectives d'examen. Moi je squatte avec Pépette et elle m'appelle, bois rien. Pour la glande j'ai pris perpète et chaque jour je fais le plein. Ceux qui m'envient n'ont plus qu'à porter plainte. Et je te dirais bien que tracé me plaît, mais ça ne serait qu'une feinte. Pas de honte car le kiff est fat. Même si elle me porte la poisse, me fait breaker à chaque occasion. Me glisse en secret de trois phases. Alors qu'à la base le temps c'est de l'oseille et le travail c'est la santé. Leur conclusion, ces jeunes et pauvres que je vais canner. Peut-être que je connaîtrai jamais la crise de la 50e année. Je m'en bats les cacahuètes, je préfère ça que prendre perpète sur l'autoroute de la réussite. Tout le monde la connaît, fête de vie c'est misère. Le patron a la construite, c'est pas trop mon délire. Je préfère les tiges, ma pépère. Il est temps qu'on prenne notre temps, regarde ailleurs pendant qu'on s'y sert. Même dans le vide, on se promène dans la vie. Car conducteur et suffit. Paragraphe fort comme ton abattement cible. Ton abattement cible. On t'emmène dans le vide. On se promène dans la ville. Car conducteur et suffit. Paragraphe fort comme ton abattement cible. Ton abattement cible. Déplacement géométrique, oscillation de mes pas sous directive et sous les toits se faufile ma carcasse rouillée. Un mode de vie urbain pesant sur ma carapace mouillée. Sur mon échine matière plastique, imperméable vissée. Je quitte mon habitat pour rejoindre les artères bouchées de ce corps de bitume qui ne peut plus souffler. Les congénères dévalent les pentes d'asphalte embrumées. C'est déjà la pénombre, mais la vie ne dort jamais. Vois les agoraphobes et les fous hurlants. Démence naissante chez les anciens vivants. Loups-garous égarés entre les roues des voitures à traction. Mon parcours est attractif. J'observe la lune, écouteur au tympan. Ville-lumière, es-tu mélodique? Ton ramdam incessant se fait méthodique. Mais parfois, j'entends le cœur qui te fait battre. Ce sont ces humains qui courent et te font renaître. Je te laisse crever, car je l'avoue pour être honnête. Je ne suis pas de ces gens-là, nous ne sommes pas de la même planète. Sans regret. Je suis Orcon et la rouille coule dans mes veines. Voici du sang contaminé qui peu à peu étouffe la ville. J'étoffe mon rêve entre phases de sommeil et somnambulisme. J'ausculte la ville et son métabolisme. Au stéthoscope, j'écoute tes battements maladifs irréguliers. Du centre-ville abrasif aux jardins ombragés. Un peu otage, comme tous les autres m'ont dédommagé. D'une vie à bout de souffle, souvent orageuse. Mais dans le fond accroché aux nuits bienheureuses. Qui voit mes rimes accoucher. On se promène dans la ville, car conducteur est souffle. Paragraphe fort comme ton abattement cible, ton abattement cible. On t'emmène dans le vide. On se promène dans la ville, car conducteur est souffle. Paragraphe fort comme ton abattement cible, ton abattement cible. J'ai arrêté de fumer par précaution. Car le mégot au bec altère l'addiction. Fini aussi le tas, je change de direction. Avant que le stress devienne addiction. Presse action. Je suis le premier rôle. Qui prend ce qu'il apprend sans jamais frôler la tôle. Qui n'attend pas la retraite pour punir les gaules. Ma vision est si claire, la tête sur les épaules. Dès que l'air de ma ville devient austère. À mon équilibre, je change d'atmosphère. Dès que la ville me sert du bonheur en kill pour le dessert. Je lui ouvre mes papilles, même si elle était prise d'une mort lente. J'en profite avant que ses fils payent sa rente. De la périphérie jusqu'à son centre. Elle sait que j'ai l'esprit libre et des autocollants. Gaffe à l'estampille et aux caissières trop lentes. Tout ça devient hostile, il est temps que je rentre. Hé hey chérie, je suis rentré. On t'emmène dans le vide. On se promène dans la ville. Car conducteur et souffle. Paragraphe fort comme ton abattement cible. Ton abattement cible. On t'emmène dans le vide. On se promène dans la ville. Car conducteur et souffle. Paragraphe fort comme ton abattement cible. Ton abattement cible.